Chapitre 12e. À 10 heures du soir, Gabrielle quitta Madame Loisy. En vain, elle avait insisté pour rester auprès d'elle. Elle lui avait avoué, dans sa franchise de vierge, comment elle était de cœur et de conscience sa fille véritable, ayant contracté avec un mort l'union que rien ne romprait. Elle s'était offerte ingénument à la mère de Georges, se donnant à elle comme elle se fût donnée à son fils. Madame Loisy était touchée. Elle le disait. Elle aimait Gabrielle et comptait sur elle dans l'avenir, plus tard, quand elle aurait pris une décision. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait. Sa pauvre tête était trop ébranlée pour qu'elle conçût un dessein. Entre les deux femmes, pas une fois le nom d'Abel n'avait été prononcé. Gabrielle dut se décider à se retirer. Avec un élan vrai, elle prit Madame Loisy dans ses bras et lui dit « Maman, n'est-ce pas que vous voudrez bien de moi pour votre fille ?» La veuve lui rendit son étreinte et la reconduisit jusqu'à la porte, où Thomas attendait la jeune fille pour l'accompagner jusque chez elle. Madame Loisy resta, jusqu'à son retour, debout à la porte de la salle à manger. Quand il revint, elle l'appela. Il se tint debout, la casquette à la main. « Thomas, lui dit sa maîtresse, je suis très fatigué. Il se peut que je dorme lourdement. Demain, à 8 heures, que Jeannette entre dans ma chambre, mais pas plus tôt. » Il acquiesça de la tête, il restait encore là, comme s'il eût voulu parler. « Bonsoir, Thomas, bonsoir. » Madame Loisy rentra. Elle traversa la salle à manger, puis vint dans sa chambre et referma la porte. Là, elle resta un instant immobile, regardant cette pièce vide, sombre, où veillait seule une douleur que rien ne pouvait consoler. Elle en fit le tour, lentement, à petits pas, regardant un à un ses meubles, ses objets, ses bibelots, que Loisy avait connus, avait aimés. « Les choses ont des larmes, » a dit Virgile, « mot de poète. La réalité est plus poignante encore. Les choses, dans leur indifférence immobile, ne pleurent point, elles navrent. Émues, elles consoleraient. Leur impassibilité est une douleur de plus à l'âme de ceux qui souffrent. Ces objets, qui hier encore semblaient vivifiés par la présence de l'ami, étaient morts avec lui. Étaient eux aussi frappés de l'inertie suprême. Ils étaient morts avec lui, comme elle-même se savait morte. Elle écouta avec soin et entendit les bruits qui s'éteignaient un à un. Alors, elle alla prendre dans un tiroir de sa commode de menus débris de linge, de laine, de soie. En cette réserve, qui est le trésor des ménagères soigneuses. Elle souleva une chaise et l'approcha de la fenêtre. Elle y monta et glissa des morceaux d'étoffe dans les joints. Elle dut redescendre pour chercher un outil. Elle prit un petit couteau d'ivoire qu'ils avaient acheté ensemble autrefois, dans un port de mer où ils avaient fait un voyage d'intimité conjugale. La lame étroite lui servit à souhait. De la fenêtre, elle alla à la porte et agit de même. Le tablier de la cheminée était baissé. Elle y entassa une étoffe plus épaisse, de façon à ce que toutes les issues fussent bien fermées. Ceci fait, elle ouvrit un placard et en tira un petit fourneau qu'elle était allée chercher dans la resserre, pendant l'enterrement. Il servait jadis à Loisy pour faire de petites soudures. Il était plein de braises avec au-dessous des bûches inflammables. Dans un sac, Madame Loisy avait caché du charbon. Elle alluma, méthodiquement, sans se hâter, et quand la braise fut rouge, ce qui se fit vite, elle entassa dessus une pile de charbon. Tout à coup, elle eut un geste de souvenir. Elle oubliait quelque chose. Ce matin, elle avait écrit quelques lignes, ses dernières volontés, ses caprices de mourante. À quoi bon? Elle ne tenait plus à rien ni à personne. Elle voulait disparaître, voilà tout. Loisy étant partie, elle partait, ne songeant même pas qu'elle pût le retrouver ailleurs. Elle déchira le papier après l'avoir relu. Haussant légèrement les épaules à quelque sentimentalisme inutile qui lui était échappé, elle en jeta les bribes sur le brasier qui s'allumait. Les cheveux gris étaient bien serrés, sa robe l'enveloppait bien tout entière. Elle revint vers le lit, s'étendit, croisa ses bras sur sa poitrine, ferma les yeux et attendit. « Demain, vous partirez avec moi, » avait dit le curé à Abel, et comme il lui avait expliqué tout le danger, Abel avait compris que c'était là un ordre. Le prêtre ne lui avait pas adressé de reproches, pour ne point éveiller de résistance. Il lui avait parlé sobrement, sans phrase, mais de façon à ce qu'il vît bien que tout était connu. et qu'aucun mensonge n'était possible. « Vous consentez ?» lui avait demandé l'abbé. « Que puis-je faire ?» répondit Abel. « On m'accuse, et on ne me laisse même pas le droit de me défendre. Je partirai. » Ce fut sa dernière protestation, en apparence, du moins, mais en apparence seulement. Un flot de haine lui montait du cœur et lui mettait une amertume bilieuse au palais. « Ah ! On le chassait ! Ah ! On brisait à jamais cet avenir qu'il avait rêvé ! De quel droit ? Le village l'accusait. Des preuves, qui en avait ? Une calomnie est bientôt lancée. On le menaçait d'une émeute, qui sait ? D'une exécution sommaire. Il n'y avait donc pas de loi pour le protéger ? Qu'on essayât de le toucher seulement. On verrait. L'abbé le considérait attentivement, lisant sur sa face blafarde les rages qui y mettaient des flammes. Il devinait des résistances dernières. Mais le prêtre a maté bien d'autres rébellions. Il ne s'était pas livré encore, réservant pour l'heure décisive les suprêmes arguments. Le soir venu, l'abbé laissa Abel seul dans sa chambre. Il l'éveillerait le lendemain à 4 heures. Une carriole les attendrait au porche de l'église. « C'est bien, » dit Abel. « N'avez-vous donc pas un mot de repentir ?» reprit sévèrement le prêtre. Abel ne répondit pas. On l'ennuyait. La porte se referma. Abel s'assit sur une chaise et se mit à réfléchir. De quoi s'agissait-il en somme ? D'une accusation vague. C'était ce Thomas et je ne sais quel autre qui prétendait l'avoir vu conduisant Georges vers le pré des Chaumes. En réalité, rien de plus. Eh bien, la réponse était toute trouvée. Il y avait un chemin de traverse qui ramenait de là vers l'Arbette. Georges, se ravisant, avait pris par là et l'accident était arrivé. L'heure, eh bien, Abel reconnaîtrait s'être probablement trompé. Toutes les apparences l'avaient poussé à croire que l'accident avait eu lieu le soir. C'était le matin, soit. Quel crime était-ce que d'avoir commis une erreur que tout justifiait ? Voyons. Il récapitulait soigneusement toutes les circonstances. Du moment qu'il acceptait l'heure du matin, tout l'échafaudage de soupçons s'écroulait. C'était donc sur ce point qu'il fallait concentrer toute son attention. Il y avait une difficulté. Georges était mort à 8h15, ainsi qu'en faisait foi la montre arrêtée par l'eau. Eh bien, cette montre, on l'avait bien vue, il est vrai. Mais il n'y avait qu'à la monter pour troubler la mémoire des témoins. Que fallait-il gagner ? Une demi-heure ? 3 quarts d'heure ? Georges, bon marcheur, pouvait avoir franchi la distance en ce court délai. Admettons qu'Abel le quittait à 8h30. Il eût été au pont de l'Arvette à 9h, 9h15. Pouvait-on baser une accusation sur cette vétille ? Surtout si la montre ne donnait pas une heure fixe et indiscutable. Donc, tout d'abord, remonter la montre. Mais le plus important, c'était qu'il ne discuta pas lui-même. Il lui fallait un avocat, convaincu, passionné. Et qui donc, sinon sa mère ? Elle était brisée par la douleur, indifférente à tout ce qui n'était point son mari mort. Mais il lui restait un enfant, et pour le défendre, elle retrouverait toute son énergie. Sa voix serait toute puissante et imposerait silence à ses accusateurs misérables. Quelle marche suivre ? Celle-ci, il s'échapperait de la cure, ce n'était pas bien difficile, et en pleine nuit, il surprendrait sa mère. Il se jetterait à ses pieds, il lui révélerait l'horrible confidence de l'abbé Lampequin. Cette nouvelle douleur, venant se superposer à celle qui la poignait, l'éveillerait de son engourdissement. Quoi ? Le père parti, on voulait lui prendre son fils, ce fils qui avait sacrifié sa jeunesse à celui qu'elle pleurait, ce fils béni par son père. Certes, ce matin, elle avait paru bien froide, bien indifférente. Mais c'était à l'absorption de sa douleur qu'il fallait attribuer ce changement. Il ne l'accusait pas, elle était excusable. Mais son amour maternel se réveillerait plus intense, surtout en face du danger que courait son fils bien-aimé. Et dans son imagination, il jouait d'avance toute la scène. Il voyait sa mère stupéfaite, épouvantée, l'attirant à elle d'un mouvement convulsif, comme pour lui faire un rempart de sa poitrine. Puis elle écouterait, fiévreuse, ses doléances indignées. Il dirigerait adroitement son attention sur la montre. Il y aurait là une difficulté, mais l'occasion le servirait. Quant au prétexte pour la remonter, il serait facile à trouver. Ceci fait, il serait bon de s'assurer immédiatement un second auxiliaire. Pourquoi pas M. Berthemont ? Peut-être n'avait-il pas grande sympathie pour lui, mais il saurait la reconquérir. Il trouverait ces accents de franchise qui persuadent et qui entraînent. N'était-il pas explicable, nécessaire même, qu'en face d'une accusation aussi atroce, il déclamait ses phrases à mi-voix, debout devant la cheminée du curé. Il sortit de sa réserve ordinaire. Moi, un fratricide, quand j'aurais donné ma vie, pauvre Georges, et des sanglots. Il était plus de 10 heures quand Abel eut bien discuté sa résolution. Son plan était complet. Il s'agissait de convaincre la mère, après cela tout irait facilement. S'il le fallait, on quitterait le pays. Qu'importe, ils étaient riches, on vit partout. Monsieur le curé croyait bien le tenir. Il n'oubliait qu'un détail, c'est qu'Abel n'avait rien avoué. Il s'assura que tout dormait dans la maison, alla à la fenêtre et l'ouvrit. Elle était élevée d'à peu près 2 mètres au-dessus du sol. Abel se suspendit par les mains et se laissa tomber. Renversé par le choc, il se releva d'un bond et se mit à courir. La ville était déserte, point de lune, mais il savait son chemin. Il ne prenait aucune précaution, hâtif d'arriver. Enfin, il toucha la maison. Y pénétrer par la haie fut l'affaire d'un instant. Il connaissait un endroit où il était assez espacé pour laisser s'y glisser le corps d'un homme, le treillage étant brisé. Personne, tout allait bien. Il n'entrerait pas par la salle à manger. La porte du vestibule étant fermée sans aucun doute, mais par le couloir auquel personne ne songeait, et dont en effet la porte n'était close qu'au loquet. Puis l'entrebâilla celle de sa petite chambre, s'introduisit de biais, obéissant à cet instinct qui oblige les malfaiteurs à ne pas entrer, mais à se faufiler. Il était à l'intérieur, la porte refermée. Maintenant il n'y avait plus qu'à agir. Sa mère devait être là, dans la pièce à côté. Allons, quelle singulière odeur! Une sensation âcre à la gorge. Qu'y avait-il donc là? Voyons, allumez d'abord, sans bruit. Les allumettes ici, auprès du lit. Abel, au moment d'y toucher, chancela et dut se retenir pour ne pas tomber. Il aspira fortement pour reprendre possession de lui-même. Une saveur brûlante lui arracha un cri rauque. En même temps, un vertige lui montait au cerveau. Une insupportable sensation de piqûre ardait ses paupières. Sa main avait rencontré la boîte d'allumettes, mais un mouvement nerveux les avait jetées à terre, où elles s'éparpillaient, mettant sur le plancher les points bleuâtres du phosphore. Il voulut se lever et chancela encore. Et toujours, comme le noyé qui s'engorge d'eau, il avalait, de l'effort de sa bouche, l'atmosphère aigre et râpeuse. Une douleur lancinante lui tordait le cœur, comme si, par un défaut d'équilibre, il se fût gonflé d'un côté et aplati de l'autre. L'idée de mort traversa son cerveau, mais avec la rapidité d'un éclair, pour se perdre dans un tournoiement vague, tintant une giration de sang sonnant aux oreilles avec des éclatements de cymbales. Dans un dernier effort de l'instinct, il se cramponna au lit et à genoux, battant de la tête comme un homme ivre. Il se traîna sur le parquet, atteignit le mur, une porte contre laquelle ses deux mains s'abattirent et qui s'ouvrit toute grande, se laissant choir de sa hauteur sur le parquet où ses doigts se crispèrent aux pieds de sa mère qui était morte, après avoir tenté, dans une dernière convulsion, de s'enfuir elle aussi par cette porte où tous deux ils se rencontraient dans le spasme de l'agonie. Au milieu de la chambre, les flammes du charbon s'élevaient étroites et bleues dans le tourbillon vague des particules d'oxyde carbonique. Selon l'ordre de Madame Loisy, on n'entra dans la chambre qu'à 8 heures du matin. On crut à un double suicide. Les bruits s'éteignirent d'eux-mêmes. Seulement le curé Lampequin alla parler confidentiellement au procureur de la République et Voisinot ne fut pas accusé de meurtre. Thomas entra au service de M. Berthemont, qui bientôt quitta le pays avec Gabriel et alla se fixer en Normandie. Ainsi s'achève Abel par Jules Lhermina.